Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. Ben, on va ouvrir d'abord le bulletin de sport local et régional en parlant d'abord qu'il y avait un tournoi qui se déroulait en fin de semaine sur les allées du club de golf de Saint-Prime. On parle évidemment du côté du tournoi Interclub. Et dans le 2A, on retrouve Chicoutimi qui a terminé en première place avec 46 points. Lac-Saint-Jean, deuxième avec 38. Port-Alfred, troisième avec 24. Et Saint-Prime, quatrième avec 12 points. Dans la catégorie B maintenant, Arvida a terminé en première place avec 25 points, suivi de Dolbeau en deuxième position avec 18 points. Et Chibougamau a terminé en troisième place avec 17 points. Le camp d'entraînement du multiconcessionnaire, ça s'en vient à très très grand pas. On a annoncé les dates d'ouverture de la deuxième édition du camp d'entraînement. Donc ça va commencer le vendredi 17 septembre au complexe sportif du secteur de Dolbeau entre 20h et 22h. Également, il y aura dimanche le 9 septembre de 19h à 21h, samedi le 15 septembre entre 19h et 21h et dimanche le 16 septembre entre 17h et 19h. Par ailleurs, le multiconcessionnaire a annoncé la mise sous contrat encore une fois de Jonathan Fleury qui a dominé l'équipe l'an dernier avec une récolte de 25 buts et 21 passes en 23 parties. Donc Jonathan Fleury sera de retour avec l'équipe la saison prochaine. Et le monde des Lynx d'Alma au football se tend à deuil depuis vendredi. En effet, on a appris le décès de Steve Melançon, qui était âgé de 43 ans. Steve Melançon est impliqué dans un accident entre le motocycliste et un VUS qui a eu lieu vendredi à Alma. Steve Melançon conduisait la motocyclette. Et apparemment que le VUS aurait coupé le passage à monsieur Melançon et ce dernier n'aurait pas survécu. Évidemment, les Lynx d'Alma, à l'ouverture du début de la saison, sont concernés par cette perte. Le sport local et régional, à danadiosport.com. On s'en occupe.